Le président portugais Marcelo Ribeiro de Sousa a fait parvenir son message de félicitations le 29 août au respecté camarade Kim Jong-un. Il a adressé ses félicitations à son Excellence M. Kim Jong-un à l'occasion de l'anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée et souhaité sincèrement progrès et prospérité au peuple de la République populaire démocratique de Corée.